que disaient ces deux vieillards assis sur le bord du trottoir avec leur litron de pinard. Ils parlaient tristement du sort de deux vieux copains qui étaient morts, de vieux camarades de bord qui tâtaient du goulot trop fort. Mais c'était leur seule machine à jouir, leur manière à eux de mourir avec un soupçon de sourire paumé sur leur masque de cire. Aïe aïe aïe, cette vie fait mal, comme elle peut rompre le moral. Tiré à la courte paille, nos destinées attirées par le rêve et la place qui nous était destinée. Aïe aïe aïe, cette vie fait mal, comme elle peut rompre le moral. Tiré à la courte paille, nos destinées attirées par le rêve et la place qui nous était destinée. Des plus sûrs, ils attendent le dernier salaire, celui qui les mettra sous terre. Après cette longue vie en solitaire, ils jettent leur dernière bouteille à la mer. Mais c'est pas ça qui leur fera peur, ce ne sont plus des amateurs. Ils ont vu leur compte en horreur pendant que le reste du monde faisait son beurre. Aïe aïe aïe, cette vie fait mal, comme elle peut rompre le moral. Tiré à la courte paille, nos destinées attirées par le rêve et la place qui nous était destinée. Aïe aïe aïe, cette vie fait mal, comme elle peut rompre le moral. Tiré à la courte paille, nos destinées attirées par le rêve et la place qui nous était destinée. De trouver pour mon corps un dernier plumard bien peinard, un dernier plumard bien peinard.